Soir. Tout à l'heure, je comparais des photos prises à 30 ans d'intervalle, aujourd'hui puis à l'âge de 20 ans. Il y a toute une différence. À 20 ans, j'avais beaucoup de sexe à pile. Aujourd'hui, il me reste le sexe, mais les piles sont à plat. Vous trouvez ça drôle, vous? C'était pas des ever ready. Attendez que votre tour arrive. Tout cas, un jour, j'écrirai mes mémoires, j'intitulerai ça La Passion selon Saint François Payotte, avec une version simplifiée sous forme de bande dessinée pour les cégepiens, que j'intitulerai probablement Comment utiliser votre sex appeal en 12 leçons pour 9,95 $, piles non comprises. Toujours est-il qu'à 20 ans, je ressemblais à Christopher Reeve, le Superman du cinéma. Oui, oui. Ah oui. Aujourd'hui, je ressemble un peu plus à Hubert Reeve. Et quand je ressemblais à Christopher Reeve, là, je partais à la conquête des étoiles. Il n'y avait pas une étoile qui pouvait me résister. Je les pognais toutes. Aujourd'hui, comme Hubert Reeve, je me contente de la poussière d'étoiles. Grandeur et décadence. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qui a motivé ou qui a été à l'origine de cette métamorphose à l'envers? Parce que pour moi, la métamorphose s'est opérée à l'envers. Je suis passé du papillon à la chrysalide. Eh bien, c'est que entre les deux rives, justement, j'ai beaucoup navigué. Et j'étais un peu comme Ulysse, fasciné par les sirènes. J'essayais de toutes les pogner en même temps. Mais les sirènes sont des êtres illusoires et chimériques. Ça fait que mon odyssée s'est terminée en queue de poisson. Aujourd'hui, là, je suis bien revenu chez moi auprès de ma Pénélope qui me tricote une tuque, des mitaines et un foulard pour l'hiver. Et lorsque j'entends à nouveau le chant des sirènes, je dis comme Hubert Reeve, « Crissez-moi patience dans l'azur ». Je m'excuse auprès de Madame l'Azur, là. Voilà, vous savez à peu près tout de mes aventures amoureuses. Voyons maintenant comment s'annonce l'Odyssée du nouvel Ulysse en compagnie de Monsieur Bernard de Montréal. Où est-ce qu'il est, Guy Greteau? Il est là. Il est là, oui. Greteau. On the road again. Eh bien, ce soir, Bernard de Montréal, c'est à votre tour de nous parler d'amour. Oh. Oh, Dieu, ça commence bien. Quand on parle d'amour ou quand on évoque l'amour, on le symbolise toujours sous la forme d'un petit cœur, comme à la Saint-Valentin, très prochainement. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'amour origine véritablement de cette pompe, de ce muscle, qui a pour fonction d'envoyer du sang dans le corps? Comment se fait-il qu'on associe le mot amour au mot cœur? Est-ce que c'est vraiment la source ou l'origine de cette énergie, de ce noble sentiment qu'on appelle l'amour? Si c'est un sentiment, est-ce que ça ne provient pas du corps émotionnel? Et si c'est une émotion, est-ce qu'elle est alimentée par la pensée? Et si c'est alimenté par la pensée, que l'homme ne pense pas, mais que ça pense à travers lui, d'où vient cette énergie qu'on appelle l'amour? Voulez-vous que je le formule autrement? Non, non, c'est bien. Oh, okay. J'ai toujours une douzaine de versions. Hum.